Le grand voyageur de Marie-Odile Ackermann. Dans cette histoire que je vais vous conter, nous allons rencontrer le merveilleux et la douceur de la plume. Ouvrez vos oreilles et fermez vos petites bouches et laissez-vous transporter dans un conte qui va vous faire rêver. Sur un étang dont l'eau était plus bleue que le ciel qui se mirait dans ses profondeurs, vivait Ulysse, le grand cygne, maître de la pureté de l'eau où il se baigne et se glisse sans bruit dans une onde paisible. C'était un merveilleux cygne, un seigneur de l'étang. Avec ses douces plumes, son duvet, ses plumes immaculées et sa présence majestueuse, il faisait rêver tous les animaux de l'étang. Il volait et se déplaçait avec sa robe immaculée et sa corolle de douces plumes blanches dans une caresse furtive sur les ondes de l'étang. Ulysse, le cygne, était royal. Il faisait l'admiration des canards colverts et des poules d'eau, ainsi que de tous les habitants de l'étang et du canal. Il était devenu le roi de l'eau et des espaces. Souvent, son envol provoquait la fuite des petits habitants jusqu'à leur nid et les herbes dans les profondeurs de l'étang. Dans un petit recoin de la berge, Maman Cygne couvait des œufs dans un nid. Un jour, Ulysse le cygne décida de partir vers d'autres horizons. Il voulait voir de nouveaux paysages. Il décolla et s'envola de l'étang vers d'autres horizons, glissant sur l'onde calme et tranquille d'étang en étang avec le rêve qui le transportait. De rives en rivages, la traversée des forêts, des montagnes, des vallées et des collinettes. Ce voyage fut long et les rencontres difficiles, dans les cieux souvent impétueux et sur des terres inconnues et étrangères. Un jour, il voulut prendre le chemin du retour, mais une tempête le dérouta et il se mit à chercher son chemin. En vain, les vents étaient contraires. Ulysse ne rêvait plus que de son retour. En longeant les canaux et les rivières, il n'était plus le roi des étangs et devait se soumettre aux vents violents et aux tempêtes qu'il rencontrait. Mais comment revenir vers l'onde tranquille de l'étang où baigne l'espoir et la paix? Revenir vers le nid où attendait Maman Cygne? Ulysse de se demander, perdu dans ce grand voyage. Comment revenir dans mon étang et rejoindre mon nid? Il vole et vole et vole! Ses cris de détresse s'entendent de tous les étangs. Alors, les animaux du lac et de l'étang décident de se réunir et faire une chorégraphie de danse et de ballet sur l'onde. Les poules d'eau ouvrent leurs ailes pour faire un cerceau coloré. Les ragondins et les truites montent à la surface de l'eau en dansant une farandole. Dans une ronde effrénée, les grenouilles dirigent une chorale polyphonique en un chant de rappel et d'espoir. Ulysse, alors, après son long voyage, dirigé par ses amis, atterrit, rejoint son étang et, au bout d'une longue traversée, se retrouve enfin dans son univers, au bord du nid, auprès de Maman Cygne. Des œufs éclosent grâce à la chaleur et la patience de Maman Cygne. 1, 2, 3 petits cygnes se remuent, s'ébrouent et suivent Maman Cygne et Papa Cygne dans une belle rangée et promenade très organisée. Quelle belle fête! Et là, tous les canards, les poules d'eau, les ragondins, les grenouilles, les oiseaux, les poissons sont réunis et accompagnent dans un élan d'espoir et d'amitié cette belle famille dans une danse. Ulysse, qui revient de son long voyage, est désormais heureux avec Maman Cygne et les petits cygnes accompagnés de tous ses amis de l'étang. Ils continueront de faire rêver avec leurs corolles de plumes douces et lumineuses, doigts perlés et de lumière. Le poète s'exclame. Une caresse furtive, je caresse les flots, je glisse sans bruit, je suis royal et tendre duvet, je résonne sans bruit sur une ondée, et je résonne d'un chant profond de paix. Je suis le cygne.